بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام في كتاب الصلاة on continue donc le chapitre de la prière واليوم باب جديد aujourd'hui un sous-chapitre un nouveau sous-chapitre باب الوتر le sous-chapitre concernant le witr المراد بالوتر الفرد ce qui est voulu par le witr c'est l'unique le seul كما جاء في السنة comme cela a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam إن الله وتر يحب الوتر certes Allah est unique il aime الوتر donc ce qui est impair Il aime ce qui est impair. وهذه فرصة طيبة للكلام في صلاة الليل. Et ceci est une bonne occasion, ô mes frères et sœurs, pour aborder le sujet de la prière nocturne. فإن في القرآن والسنة ما يحثنا على القيام بالليل. Car il y a, certes, dans le Coran et la Sunna, ce qui nous incite à nous lever la nuit pour prier. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit dans son livre وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Et ceux qui passent leur nuit prosternés et debout pour leur Seigneur. فهؤلاء يقومون بالليل ces gens-là ils se lèvent ils prient la nuit ولا يفعلون هذا لأحد mais ils ne font cela pour quiconque إنما يفعلونه لله تبارك وتعالى mais ils font cela pour Allah تبارك وتعالى ce n'est pas pour que les gens fassent tes éloges ou autres mais tu le fais pour Allah الذين والذين يبيتون لربهم Sujjadan wa qiyama, ceux qui passent leur nuit prosternés et debout pour leur Seigneur, li rabbihim. Wa kadhalika wasafa Allah tabaraka wa ta'ala al-muttaqin. Et aussi Allah tabaraka wa ta'ala, il a décrit les muttaqin, ceux qui le craignent, les pieux. Et il a dit kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Ils ne dorment que peu la nuit. Ils ne dorment que peu la nuit. Et aux dernières heures de la nuit, ils implorent le pardon. Et aux dernières heures de la nuit, ils implorent le pardon. فَهَؤُلَا لَا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ أَلَّتِي يَكُومُونَ بِهَا Et donc ces gens-là, ils ne sont pas agréablement surpris. Ils ne sont pas satisfaits de leurs œuvres qu'ils vont accomplir. فَهَؤُلَا يَكُومُونَ بِالْلَيْلِ وَمَعَ ذَلِكَ يَرَوْنَ أَنفُسَهُمْ مُقَصِّرِينَ فَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ Et donc ces gens-là, ils vont prier la nuit. Ils prient la nuit. Mais malgré ça, ils voient qu'ils sont négligents. Et donc vont implorer le pardon de leur Seigneur durant les dernières heures de la nuit. خِلَافًا لِمَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ثم تعجب من نفسه وظن نفسه خيرا من غيره. Contrairement à celui qui va prier la nuit, il va prier la nuit et va être agréablement surpris, va être satisfait de ce qu'il a accompli et va se sentir mieux que les autres. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit Tatajafa junubuhum anil madaji'a. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Et ils s'arrachent. Et ils s'arrachent des lits. Donc durant la nuit, ils s'arrachent des lits. Invoquant leur Seigneur par crainte et espoir. Et ils dépensent de ce que nous leur avons accordé. Quiconque, personne, aucun être ne sait ce que nous lui avons réservé comme réjouissance des yeux. Comme réjouissance pour les yeux. Ceci en rétribution de ce qu'ils ont accompli. Et donc ces gens-là, ils ne savent pas ce qui a été réservé pour eux parmi les récompenses. Et cela parce que ces gens ont caché leurs œuvres. Ils ont caché leurs œuvres, ont fait en sorte que les autres ne sachent pas ce qu'ils font. Eux, ils prient pendant que les autres dorment. Ils invoquent pendant que les autres dorment. Ils lisent pendant que les autres dorment. Ils étudient pendant que les autres dorment. Mes frères et sœurs, ces œuvres, ces actions sont très louables. Nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer de faire partie de ceux qui prient la nuit, qui se lèvent la nuit, qui lisent la nuit, qui révisent la nuit pour leur Seigneur, qui invoquent la nuit. أخرج الترمذي في الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. At-Tirmidhi a cité dans son Jami' que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô gens, ô hommes, répandez le salam, nourrissez les gens, respectez les liens de parenté, priez durant la nuit, pendant que les gens dorment, et alors vous rentrerez au paradis en paix. » Et alors vous rentrerez au paradis en paix, préservé. فَالنُّصُوصُ كَثِيرَةٌ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فِي فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْمُتَّقِينَ الصَّالِحِينَ وَمِمَّا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةِ. Et donc les textes sont nombreux, montrant les mérites quant à la prière nocturne. Et que celle-ci fait partie des œuvres des pieux, des œuvres de ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala, et que celles-ci font partie des œuvres qui font rentrer les gens au paradis, qui causent l'entrée des gens au paradis. فَمَا هُوَ الَّذِي يَمْنَعُ الْمَرْءَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ. Et donc, qu'est-ce qui va empêcher à l'individu de se lever la nuit alors qu'il connaît ces textes, qu'il lit cela, qu'il l'entend? Qu'est-ce qui va l'empêcher de se lever la nuit? Kethirun minan nas ghafilun. La yufakkiruna illa fi dunya. Beaucoup de personnes sont insouciants. Ils sont insouciants, ils ne pensent que à la dunya, la vie de ce bas monde. La uqila lahu istayqiru. على الثانية صباحا لعمل مربح جدا لقام ولا تفوته ليلة. Si on lui dit de se lever la nuit à 2 heures du matin, pour un travail qui est très fructueux, un travail qui rapporte beaucoup d'argent, alors il se serait levé, il n'aurait loupé aucune nuit. Amma al-qiyamu bil-layli lillahi azza wa jalla fal-amru akhar. En ce qui concerne le fait de se lever la nuit pour Allah azza wa jalla, alors c'est autre chose. C'est tout autre chose. Wadhunub adhunub. Et les péchés, craignez les péchés. Ayyuhannas. Ô gens, ô hommes, craignez les péchés. أخرج ابن حبان في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ابن حبان a cité dans son صحيح que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: certes, l'homme est privé de la subsistance à cause du péché qu'il va accomplir. وَقَدْ رَأَيْنَا أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ. Et certes, nous avons vu précédemment qu'il y a deux types de subsistance. Cette personne va être privée d'une subsistance à cause d'un péché qu'il a accompli. Il y a deux types de subsistance. رِزْقٌ يَحْيَا بِهِ الْبَدَنِ وَيَتَلَذَّذُ بِهِ. Une subsistance qui permet au corps de vivre et qui permet au corps de profiter des délices. Wa rizqun yahya bihi al-qalbu. Et une subsistance qui permet de faire vivre le cœur. Fa ayu rizqin afdalu min amalin salihin yudkhilu al-mar' al-jannah. Est-ce qu'il y a une subsistance qui est meilleur qu'une œuvre pieuse qui permet à l'individu de rentrer au paradis? Faites dhunoub, les péchés empêchent à l'individu de bénéficier de ce genre de subsistance. Thumma yanbaghi lana ayyuhal ikhwan natasa'al ma hukm al-witr. Et donc il convient aux mes frères de nous interroger: quel est le jugement du witr? Est-ce que cette prière est obligatoire ou pas? ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوتر واجب وله أدلة في ذلك. L'imam Abu Hanifa رحمه الله, il voit que le witr est une prière obligatoire et il a plusieurs preuves qui montrent cela. منها الحديث الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. Et parmi les preuves qu'a cité l'imam Abu Hanifa رحمه الله, il y a ce premier hadith qu'a cité l'auteur dans ce sous-chapitre. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل. Et donc, selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, qui dit qu'un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur le mimbar, lui demandant: comment vois-tu la prière de la nuit? Fait qu'on le nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mathna mathna. Fait idha khashiya ahadukum subha salla wahidatan fa autarat lahu ma salla. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question en disant: deux par deux, la prière de la nuit, donc deux par deux. Et si l'un d'entre vous craint l'arrivée du sobh, l'arrivée donc de l'aube, alors qu'il accomplisse une unité, celle-ci va rendre impair ce qu'il a déjà accompli. وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Et certes, il disait sallallahu alayhi wa sallam: faites que votre dernière prière durant la nuit soit impair. إذن قالوا هذا الحديث فيه الأمر بالوتر والأمر يفيد الوجوب. Et donc ils disent, ceux qui ont suivi cet avis de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, ils disent: il y a dans ce hadith l'ordre d'accomplir le witr. Et certes, nous savons que les ordres dans les textes de la législation impliquent une obligation. Il est donc obligatoire d'accomplir le witr. وكذلك من الأدلة على وجوب الوتر ما أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. Et parmi les preuves, il y a aussi le hadith qu'a cité Abu Daoud dans son recueil, dans son Sunan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah est witr, est seul, unique. Il aime le witr, il aime le witr. Donc ce qui est impair, alors accomplissez le witr. Accomplissez le witr, ô adepte du Coran. Wa hadha aydan. Il y a aussi dans ce hadith l'ordre d'accomplir le witr. وكذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوا ما بين العشاء وإلى ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. Et aussi parmi les preuves qui montrent le caractère obligatoire du witr, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: certes, Allah vous a rajouté une prière et c'est la prière du witr. Alors priez entre l'isha jusqu'à l'arrivée du subh, jusqu'à l'arrivée de l'aube. Walakin as-sahih ma dhahaba ilayhi al-jumhur وهو قول الصحابة كما نقل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أن الوتر سنة وليس بواجب. Cependant, l'avis le plus juste, l'avis qui est juste et correct, c'est l'avis qu'a choisi Al-Jumhur, la majorité des savants, et qui est aussi l'avis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela a été rapporté de Ali ibn Abi Talib et autres, radiyallahu anhum, qui est que le witr est une sunnah et que cela n'est pas obligatoire. Wa antum ta'rifun hadith al-A'rabi fi as-sahihayn alladhi sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an al-islam fa qala. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الأعرابي وهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. Et certes, vous connaissez le hadith du Bédouin dans Sahihayn. Le Bédouin qui a interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم concernant l'islam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant 5 prières par jour et nuit. Le bédouin a alors dit: est-ce qu'il m'est obligatoire d'accomplir autre que cela, autre prière que celle-ci? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, sauf si tu le fais de façon surérogatoire. فهذا الحديث يدل على أنه ليس في اليوم صلاة واجبة زائدة على الصلوات الخمس. Ce hadith, il nous montre qu'il n'y a pas dans la journée ou la nuit une prière qui soit obligatoire en plus des 5 prières qui nous ont été rendues obligatoires. وكذلك ما أخرجه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قيل له زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. Et aussi parmi les preuves, il y a le hadith qu'a cité Abu Daoud dans son Sunan, selon Ubadat ibn Samiti radiyallahu anhu, qu'il lui fut dit, certes, Abu Muhammad prétend que le witr est obligatoire. Alors Ubadat ibn Samit a répondu en disant, Abu Muhammad s'est trompé. Ici, Kevebe, ça va dans le sens de s'est trompé. Abu Muhammad s'est trompé, j'atteste que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire 5 prières que Allah ta'ala a rendues obligatoires. Celui qui fait correctement leurs ablutions, donc les ablutions liées à ces 5 prières, et qui les accomplit à leur temps, et qui va faire correctement, et qui va accomplir correctement leur recours, et avec la concentration, alors celui-ci a la promesse d'Allah de lui pardonner. Mais celui qui ne le fait pas comme tel, celui-ci n'a pas l'engagement, la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si celui-ci il veut, il le pardonne, et s'il veut, il ne le pardonne pas. Révil edilla ayyuhal ikhwa. Tadullu dilalatan wadihatan. على ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الوتر سنة وليس بواجب. Et donc ces preuves montrent clairement la vie qu'a choisi El Jumhur, la majorité des savants, qui est que le witr est une sunna et qu'il n'est pas obligatoire. Cependant, je le répète mes frères, comme l'a dit le Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, quand on apprend ce genre de choses, on n'apprend pas sunna et pas obligatoire, on n'apprend pas cela pour se dire « Ah, je ne vais pas le faire, c'est pas obligatoire, c'est bon, je peux ne pas le faire. » Non, on apprend cela pour celui qui ne s'est pas réveillé, celui qui n'a pas réussi à se réveiller une fois. Est-ce que il doit rattraper, est-ce qu'il a fait un péché ou autre? Celui qui a été occupé, il sait maintenant, est-ce que ce qu'il a fait est une cause de péché ou pas? Voilà pourquoi nous apprenons cela. Ce n'est pas pour que derrière tu puisses te dire, « Alhamdoulillah, je ne vais pas prier cette nuit le witr. » Celui qui fait ça n'a pas compris. Les textes de la législation nous poussent à accomplir ce genre de prière. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.